Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 1, colonne 2. Choses et autres. Le directoire de New York, cette année, contient les noms de 450 rues nouvelles. Le journal The Press, de Philadelphie, énumère les qualités que doit posséder un candidat républicain pour la présidence l'année prochaine. Il dit « Il doit être le choix libre et réel du parti, et non le fruit forcé de délégations d'emballage. » Il ne peut être soupçonné d'être identifié avec aucune machination offensive. Il faut que, par son passé et par des garanties distinctes, il représente des réformes et tendances progressives du parti. Il doit inspirer et commander la confiance de la classe d'hommes d'affaires à tendance conservatrice, puis enfin amener le vote indépendant de son côté. Voilà d'excellentes qualifications. Elles désignent un homme qui plane au-dessus de beaucoup d'autres, le sénateur Edmunds du Vermont. Il fait face aux exigences dans tous les détails. C'est le seul homme certain d'obtenir le vote de New York et il aura aussi le vote indépendant qui tient la balance du pouvoir. Wendell Phillips, dans une lettre adressée au Herald de Boston, dit qu'il a travaillé pendant 15 ans à former le Parti du Travail, le Parti du Droit des Femmes, le Parti de la Tempérance ou le Parti Greenback, et qu'il n'a eu d'autre récompense que son travail. Êtes-vous sur la liste de l'imposition? Après le 1er octobre, vous ne serez plus taxé, et si vous ne payez la taxe, vous ne pourrez voter aux prochaines élections. Toute personne non encore sur la liste de l'imposition, mais désirant que son nom y figure, doit se présenter devant le Conseil des assesseurs avant le 1er octobre. Sans quoi, pas de vote cette année. Un homme du Minnesota, rentrant à la maison après plusieurs années d'absence, trouva sa femme mariée à un autre. Comme le nouveau mari paraissait peu désireux de faire valoir ses droits et que la double veuve ne tenait pas à retourner à ses premières amours, notre homme se rendit chez un avocat pour lui demander de rédiger un acte de transport de tous ses droits en faveur de son successeur. Monsieur Pradine a publié récemment la manière de faire l'épreuve du vin pour constater sa pureté, dit le journal médico-légal. Cette épreuve consiste à répondre à trois questions. Première, le vin est-il naturel? Deuxième, est-il coupé? Et troisième, est-il préparé sans le produit de la vigne? Le réactif employé se compose d'ammoniac saturé d'éther rectifié, filtré et conservé en flacon bouché dans un endroit obscur. Pour faire l'épreuve, mettez de l'eau dans un tube, ajoutez 50 gouttes de vin, mélangez en secouant et ajoutez 5 à 6 gouttes de réactif. Si le vin est de bonne qualité, une ligne d'un beau vert apparaît à l'endroit du contact entre le réactif et la mixture. Dans le cas où la mixture prend une couleur vert pâle, le vin a été étendu d'eau, et si la couleur devient trouble, le vin a été mélangé d'eau et coloré avec une teinture quelconque. Si la mixture ne prend aucune couleur ou prend une teinte de rouge-gris ou de brique, le vin est une composition et totalement frelaté. Dans ce dernier cas, la couleur varie d'après la nature des matières colorantes qui sont entrées dans sa fabrication. Nous lisons dans le Haverhill Gazette « Il arrive chaque année dans notre cité un certain nombre de jeunes gens qui trouvent de l'emploi dans les manufactures ou dans les maisons de commerce. » Nous n'avons pas grande disposition à donner des avis, mais connaissant par expérience quelque chose des tentations et des goûts de ces jeunes gens qui quittent la maison paternelle pour aller vivre au milieu d'étrangers, nous leur conseillons sérieusement de ne pas fréquenter les débits de boissons. Ceux qui ne s'abstiendront pas le regretteront plus tard, dans le cas surtout où ils possèdent en eux-mêmes l'étoffe pour faire des hommes. S'ils ont besoin d'exercice et de récréation, ils peuvent en prendre avec des patins à roulettes 2 ou 3 fois par semaine. Mais si leurs occupations journalières leur donnent suffisamment d'exercice, de fréquentes visites à la librairie publique seront une source de profits intellectuels et de plaisir. Avant toute chose, ne soyez pas trop empressé de faire des connaissances familières quand vous arrivez dans une ville étrangère. Mieux vaut attendre 1 an et même plus avant de compter plusieurs amis intimes. Soyez avant tout honnête, poli, et occupez-vous de vos affaires, et vous obtiendrez la bonne opinion de tous ceux dont le respect et l'estime comptent pour quelque chose. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.